Bonjour, on entame aujourd'hui le chapitre 5 du livre qui s'intitule « Ségrégation sonore, les catégories musicales de l'industrie du phonographe ». Les compositeurs, les folkloristes et les anthropologues ne sont pas les seuls à produire des catégories musicales fondées sur des distinctions sociales, ethniques ou raciales. À partir des années 1890, les agents de l'industrie du phonographe catégorisent également les musiques enregistrées, mais à la différence de la valeur heuristique de celle des chercheurs, les leurs répondent avant tout à des stratégies de vente. Elles sont produites pour correspondre à des segments du marché, à des groupes de consommateurs dont les goûts musicaux seraient communs. Elles semblent donc, à première vue, moins tributaires des enjeux idéologiques ou identitaires que les catégories musicales produites dans le but de représenter un peuple ou bien une nation homogène. Les objectifs mercantiles de l'industrie du phonographe conduisent les agents de l'industrie à enregistrer et à vendre des musiques destinées à des populations récemment immigrées aux États-Unis. Ils proposent ainsi, dès les années 1890, un large choix de musique non anglo-américaine à destination du marché international et des immigrés présents sur le sol des États-Unis. Dans les années 20, l'industrie poursuit son travail de segmentation du marché en commercialisant des musiques, cette fois destinées aux populations noires et blanches du sud rural, populations qui sont dans le même temps construites comme des folk par les chercheurs. Bien que leurs objectifs soient avant tout mercantiles, les producteurs et les vendeurs de maisons de disques ne font pas pour autant preuve de neutralité culturelle. Les catégories musicales qu'ils construisent ne peuvent pas être totalement affranchies des représentations ni des stéréotypes sociaux de leur temps. Comment, donc, dans la construction du marché domestique et donc de la musique américaine, appréhendent-ils les nombreuses fractures sociales, religieuses et raciales de la société par la construction de catégories musicales distinctes? Et quel rôle joue-t-il dans la construction et la diffusion de l'idée d'American Folk Music? C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Première partie. Des coin-operated phonographs aux Red Seals Records. Campagne éducative et distinction sociale dans le catalogue américain général. Les premiers enregistrements commerciaux arrivent sur le marché en 1890 aux États-Unis sous forme de cylindres de cire qui seront progressivement remplacés par des disques en gomme laque au début des années 1900. Les premières années, la diffusion des musiques enregistrées se fait principalement par le biais de phonographes à monnayeurs qui sont installés dans des lieux publics, par exemple dans des gares, des magasins, des arcades, des saloons ou encore des hôtels. En dépit de la volonté initiale de l'inventeur du phonographe Thomas Edison de faire de sa machine un outil sérieux dédié par exemple à la dactylographie ou à d'autres activités professionnelles, les phonographes en fait font leur entrée sur le marché en tant que technologie destinée au divertissement. Les musiques diffusées par l'industrie reflètent la stratégie commerciale initiale des distributeurs de phonographes qui promeuvent leurs machines plutôt que les musiques enregistrées et diffusées par celles-ci. Jusqu'au début des années 1900, les catalogues de labels comme Columbia et Edison contiennent principalement des musiques populaires alors en vogue auprès des classes moyennes et ouvrières de New York, où sont installées ces compagnies. Donc on trouve les tubes des stars de Broadway et du vaudeville, du Tin Pan Alley ou encore des opérettes. L'objectif premier des marchands, c'est de vendre le procédé d'enregistrement, la machine qui diffuse les cylindres, et non pas les enregistrements en eux-mêmes, et encore moins les artistes qui les réalisent. Cependant, cette stratégie commerciale montre très vite ses limites. D'une part, elle ne peut pas être durable, puisque les consommateurs finiront bien par se lasser de la nouveauté technologique. Et d'autre part, la focalisation sur la fonction de loisir et la publication de musique de divertissement finalement nuisent à la réputation des compagnies et de leurs marchandises. De nombreux commentateurs considèrent que la reproduction mécanique de la musique pourrait avoir un impact négatif sur le développement musical du pays. Par exemple, le compositeur et chef d'orchestre militaire John Philip Sousa, alors même que ses compositions sont publiées sur cylindre et disque, craint que le phonographe remplace, je le cite, « l'âme, l'intelligence et la compétence humaine » par une musique manufacturée, un vulgaire produit de consommation. À partir des années 20, les collecteurs de folk music se soucieront de plus en plus aussi de l'influence supposée négative des musiques phonographiques sur la vitalité des traditions vernaculaires, à l'instar de Child, hein, Francis James Child, qui s'inquiétait déjà au milieu du 19e siècle de l'influence néfaste des feuilles de chant. En 1925, la folkloriste Dorothy Scarborough écrit sa déception lorsque ses informateurs lui chantent des morceaux qu'ils ont appris à partir de disques. Je la cite « Combien de fois ai-je été provoquée à l'enthousiasme par la promesse de folk songs seulement pour entendre des enregistrements de phonographes éculés ?» Au début des années 1900, donc pour relancer les ventes et remédier à cette mauvaise réputation, les compagnies du phonographe vont lancer une campagne éducative en promouvant des enregistrements de musique classique, avec des stratégies de vente spécifiques. Victor est la première compagnie à signer des artistes de grands orchestres, dont le New York Metropolitan Orchestra. La compagnie crée des disques à étiquette rouge, c'est les Red Seal Records, pour distinguer ses musiques savantes des tubes populaires, dont les disques sont ornés d'étiquettes blanches et violettes. L'invention de cette catégorie, donc de musique classique, suit de quelques années la mise en vente de machines destinées aux particuliers, puisqu'auparavant elles étaient placées dans des lieux publics. Là, on commence à vendre des machines plus petites pour installer dans les salons. Et l'apparition, à côté du marché des variétés qui était diffusé sous les arcades, d'une classe bourgeoise de consommateurs. Les Red Seals Records sont vendus plus cher, pressés sur des disques de meilleure qualité, et destiné à une catégorie de consommateurs plus aisés et dont les goûts sont supposés plus raffinés que ceux des amateurs de musique de divertissement. L'ambition proclamée des marchands, c'est de transformer le phonographe en un instrument servant à élever les goûts musicaux des Américains et à répondre aux goûts de l'élite urbaine. Mais leur motivation est quand même surtout d'ordre commercial. Les disques de musique classique se périment moins vite que les novelties, hein, que les tubes, ce qui est important puisque à cette époque, les marchands n'ont pas encore la possibilité de renvoyer leurs invendus aux fabricants de disques. Je fais une petite pause pour passer un morceau donc des collections Red Seals Records de Victor. C'est un morceau qui s'appelle The Trumpeter. Il est paru en 1915, interprété par le ténor John McCormack. Donc c'était The Trumpeter, c'est un morceau qui a été composé en 1904 et qui est devenu très populaire avant, pendant et après la Première Guerre mondiale. Donc un exemple de Red Seals Records. When my trumpet goes a-speaking, I'm rousing them up, I'm waking them up. The tents are astir in the valley, and there's no more sleep with the sun for tea, for I'm sounding the old La première catégorisation des musiques vendues par l'industrie du phonographe répond donc surtout, sous couvert d'une campagne éducative légitimante, à des logiques mercantiles. Elle produit néanmoins une distinction sociale de classe, par l'étiquette et par le prix, entre deux types de consommateurs et les musiques qui leur sont associées, donc des musiques de variété pour les classes populaires et des musiques savantes pour les classes supérieures. Au même moment, l'industrie s'ouvre également à un autre segment du marché, celui des auditeurs non anglophones, qui sont récemment, plus ou moins récemment immigrés dans les grands centres urbains du nord du pays. À partir des années 1900, les immigrants aux États-Unis viennent de plus en plus de pays non anglophones d'Europe de l'Est et du Sud, en particulier de Pologne, de Russie ou encore d'Italie. Selon le recensement de 1910, sur une population nationale de 92 millions d'habitants, il y en a 10 millions qui avaient une langue maternelle autre que l'anglais, ou bien les langues celtes. 2,8 millions de germanophones, 1,4 million d'italophones, 1,1 million de locuteurs yiddish, 944 000 locuteurs polonais, 683 000 locuteurs suédois, 529 000 francophones et 403 000 norvégiens et 258 000 hispanophones. Voilà. Donc une catégorie distincte qui va être construite cette fois sur la base d'une distinction ethnique et linguistique va leur être attribuée sous l'appellation de Foreign Records, donc enregistrement étranger pour de musique étrangère. Donc on va s'intéresser à cette nouvelle catégorie dans le prochain épisode. Je vous laisse avec un morceau, donc un autre, cette fois-ci un cylindre, qui a été enregistré en 1899 et qui donc correspond au premier type de répertoire qu'on trouvait dans les catalogues américains. Donc c'est un morceau de vaudeville qui s'appelle My Ragtime Baby, qui est interprété par le Peerless Orchestra. Et que l'on peut trouver en ligne sur la collection de cylindres qui s'appelle American Vaudeville, sur le site de l'université de Santa Barbara, Californie, et dont je mettrai le lien sur le blog. Voilà, donc My Ragtime Baby par le Peerless Orchestra, 1899. À la prochaine! Here, my friend, come on,